Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, la grande aventure de la science. Une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a une épidémie qui résiste et qui nous oblige à regarder le monde scientifique avec un œil neuf et à comprendre la pression à laquelle sont soumis les chercheurs pour exister. Alors pour commencer, les personnages. Un journaliste scientifique, une philosophe de la nuance, un sociologue qui décrypte, un informaticien qui déroule, un philosophe des sciences, un directeur de recherche lucide et une chercheuse qui ausculte. Ensuite, le décor. Des laboratoires, des revues prédatrices, une épée de Damoclès, la stratégie, le mensonge, des entourloupes, des vérifications, le temps long, l'art de la médecine, la rigueur, un film catastrophe, la concurrence et la peur. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive à Marseille masqué. Marseille, début septembre 2020, tout premier jour d'un couvre-feu, pas encore perceptible dans les rues, ni sur le campus de la Faculté des sciences de Lumigny. Dans son laboratoire, Bruno Canard, spécialiste des coronavirus, couvre d'un œil protecteur son équipe de jeunes chercheurs venus des quatre coins du monde. Il ne faut pas se fier à leur air joyeux, ils y pensent tous. Juste au-dessus du petit groupe, invisible au-dessus de leur tête, plane une lourde menace. Elle est bien là, suspendue, l'épée de Damoclès. Publish or perish, publier ou périr, c'est la cruelle loi de la jungle du chercheur scientifique. And the other thing also is that when you publish something like a minor paper having a big result, most of the time people just take your result and they publish a big paper and you're never cited. Yeah. So you are definitely screwed. So now it's a little bit of strategy. Publish or perish. Qu'est-ce qu'une revue ? Est-ce qu'il y a toutes les revues qui ont la même crédibilité ? Sylvain Laurent, sociologue. Typiquement, dans le cas des papiers publiés par Didier Raoult, le fait que la revue soit dirigée par quelqu'un qui est son subalterne hiérarchique, 60% des papiers publiés dans la revue sont issus de son propre laboratoire. Donc tout ça, ce sont des signes de fermeture, de relative autarcie. Et ça, en science, on sait que ce n'est pas forcément un gage de qualité. Si c'est que des gens avec qui vous travaillez qui par ailleurs ont des liens d'hierarchie avec vous, qui vous relisent, vous annotent, que le papier est publié en une journée et demie, enfin, et qu'il y en a quasiment 10 par semaine, bon, on peut commencer à se poser des questions sur la solidité des études qui sont présentées et la validité des données. Et ça, c'est des choses qui supposent à la fois du côté des journalistes. Et je parle pas forcément des journalistes scientifiques parce que je pense que eux, ils connaissent un peu l'écologie de leur champ et de leur espace de travail, mais plus des journalistes généralistes ou même en télé. Ça suppose que là, il y a une éducation peut-être à comment fonctionne la science. Et de l'autre côté, je pense que pour le grand public aussi, il faut arriver à discriminer ce qui peut sonner comme de la bonne science de loin, mais qui souvent n'en est pas, ou en tout cas ne pas se dire que parce que c'est forcément tamponné comme quelque chose de scientifique aujourd'hui, c'est le consensus scientifique. Il y a un écart entre ce qu'est une étude scientifique et ce qui fait consensus. Et là-dessus, il y a aussi peut-être un discours à avoir. Il a réussi à le cultiver. Il a essayé des anticorps et des éléments immunologiques du complexe MAC comme nous, mais la clé a été une lignée cellulaire de fœtus de chauve-souris de Gelong qu'on n'avait pas. Non, mais il a fait ça dans un NSP3, Ali. Manipuler ce virus dans un NSP3, ça arrive à quoi? À m'envoyer paître. Il va publier, ce con. Jacques Van Elden, bioinformaticien. Quand un scientifique fait un travail, une recherche, il mène une recherche, ensuite il décrit les résultats de sa recherche dans un article, pour qu'il puisse le publier, cet article doit être évalué par ses pairs, par ses semblables, par les gens qui sont dans le même domaine que lui. Pour ça, il y a tout un processus qui est solidement établi. On envoie un article à un journal, l'éditeur du journal regarde d'abord si, d'après le titre, le résumé, l'article semble entrer dans la ligne éditoriale du journal. Et si c'est le cas, il l'envoie à deux experts qui restent anonymes. Donc ça dépend des journaux. Maintenant, il y a de plus en plus aussi une tendance à faire à ce que les experts puissent décider de dévoiler leur identité pour une science ouverte, justement. Mais classiquement, disons que traditionnellement, les experts sont anonymes. Ils lisent l'article, ils l'évaluent, ils font des commentaires. Les commentaires reviennent vers les auteurs modifient l'article s'il manque des preuves. Souvent, c'est des commentaires qui visent à renforcer l'article, qui disent ici, cette partie-là de l'article est solide, mais celle-ci, on pourrait aussi émettre une autre hypothèse, alors il faudrait que vous ajoutiez une expérience, par exemple, ou que vous ajoutiez des preuves. C'est à ça que consiste le processus qu'on appelle de referring, donc d'évaluation par les pairs. Et donc, généralement, après être passé par un ou deux cycles d'évaluation par les pairs, un article s'en sort renforcé, et c'est à ce moment-là qu'il est publié. Dans cette pandémie, on a observé énormément de compétition entre tous les acteurs. Hervé Maisonneuve, spécialiste de santé publique. Donc, je parlerai des revues scientifiques. Les chercheurs ont été dans des situations un petit peu bizarres. Et les revues. Bizarres parce que d'abord, tout le monde n'a lu que sur la pandémie. Donc, les revues qui avaient des articles hors pandémie hésitaient d'ailleurs à les publier parce qu'on ne savait pas s'ils seraient lus. Publier sur la pandémie, ça devenait l'objectif de tout le monde. Soit des chercheurs, principalement soignants, qui étaient auprès des malades, soit des chercheurs non soignants, qui eux étaient chez eux. Je parle de mathématiciens qui ont fait des modélisations ou d'autres choses. Donc les conditions des chercheurs ont été très diverses et l'accès aux données a été très divers. Mais l'objectif, c'était de publier vite, parce qu'il y avait une pression générale du public, de tout le monde, pour avoir des résultats vite. Et on sait que publier vite, ce que voulaient les revues, ce que voulaient les chercheurs, n'a jamais été un facteur de qualité de la science. La science a besoin d'avancer lentement, de controverses, et ne peut pas répondre immédiatement à des questions. Ce qui s'est passé, c'est qu'il existe aussi maintenant de plus en plus, et c'est de plus en plus utilisé, une pratique qui consiste à déposer sur un dépôt public une version préliminaire de l'article. C'est ce qu'on appelle un préprint. C'est une pratique qui a démarré chez les physiciens avec un site web qui s'appelle Archive où les physiciens peuvent déposer leurs articles avant de les publier. Et en fait, c'est très reconnu dans la communauté des physiciens parce que ça permet de prendre connaissance rapidement des travaux qui ont déjà été faits. Ça permet d'éviter de refaire un travail qui a déjà été fait ou de lancer toute une équipe sur un travail alors qu'on sait qu'il va bientôt être publié. Donc c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Et en biologie, on a un site similaire, un dépôt similaire qui s'appelle BioArchive. Et ça a été très bénéfique en fait pour la recherche, le fait de pouvoir très très rapidement prendre connaissance des travaux des uns et des autres, orienter ses propres recherches pour qu'elles soient complémentaires. Mais en plus, sur les sites BioArchive, on peut aussi mettre des commentaires. Et donc, tous les gens qui sont un peu intéressés par l'article et compétents dans le domaine peuvent faire des remarques en disant « Tiens, mais dans votre article quand même, vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela. » Et ces articles qu'on appelle en préprint, qui n'ont pas été soumis à des revues, ont toujours un avertissement sur ces serveurs. Ces articles ne devraient pas être pris en compte pour des décisions stratégiques, thérapeutiques, car ils n'ont pas été évalués par les revues. Malheureusement, cet avertissement est relativement méconnu. Le Lancet est une des revues prestigieuses médicales. qui est parmi les leaders des revues médicales. Il se trouve qu'une équipe de chercheurs américaines, quatre chercheurs qui ne se connaissaient pas très bien au départ, ont eu accès à des bases de données administratives. Quand je parle de bases de données administratives, en France, ce seraient les bases de la Sécurité sociale. Vous ouvrez les archives. Donc ce sont des archives qui sont actualisées parfois en temps réel à partir des endroits d'où elles viennent. On ne voit pas les malades. Il ne s'agissait pas de traiter des malades, il s'agissait d'analyser des grosses archives. Donc il s'agissait de collecter des données administratives et de voir ce qu'elles contiennent, parce que sur des gros nombres de malades, on a pu savoir lesquels étaient traités par un médicament et par l'autre. Ce sont des techniques d'analyse communes dans un certain nombre de domaines. Alors là, ça a été fait par un chercheur à Chicago qui avait une petite structure et qui a donné ses résultats à des chercheurs de la prestigieuse université Harvard. Et ces autres chercheurs n'ont pas regardé les données sources, d'où venaient les résultats. Ça a été publié dans le Lancet, et comme il s'agissait de l'hydroxychloroquine, tous les réseaux au sens général et de façon naturelle et normale ont analysé cet article. Et quelles étaient les conclusions sur ce... Les conclusions générales, c'était que sur 96 000 dossiers de malades, l'hydroxychloroquine ne montrait pas d'efficacité dans la Covid. Et l'association avec l'azithromycine, au contraire, sur certains sous-groupes, avait tendance à aggraver les malades. La même équipe avait publié un mois avant, dans une autre revue prestigieuse qui s'appelle le New England Journal of Medicine, le même type d'étude dans le Covid à partir d'antihypertenseurs. Les conclusions générales, c'était que les antihypertenseurs n'avaient pas d'efficacité ou n'avaient pas d'interaction avec la maladie. Donc, si vous voulez, la même équipe a publié dans le New England les antihypertenseurs et la Covid, un mois plus tard l'hydroxychloroquine et la Covid. Ce deuxième article, un mois plus tard, attire l'attention normalement de tout le monde et avec des analyses justifiées d'épidémiologistes qui ont posé des vraies questions. Et c'est là que la revue The Lancet, qui avait évalué avec deux évaluateurs l'article, a demandé des explications aux auteurs. Ça va peut-être vous surprendre, mais les revues, quand elles évaluent par des pairs, n'ont pas et n'auront jamais accès aux données sources dans les laboratoires. Un, ce n'est pas leur rôle. Et deuxièmement, quand elles demandent d'aller voir dans le laboratoire, on leur dit « qu'est-ce que vous venez faire ?» Donc, les évaluateurs d'articles n'ont jamais accès aux données sources et ne peuvent pas détecter les fraudes. J'emploie le mot fraude parce que les auteurs ont répondu au Lancet « attendez, on va regarder ». Et un des auteurs qui avait les bases de données a eu des histoires en disant « je ne peux pas accéder ». Donc, ça a créé la suspicion. Donc, on a dit « on retire cet article ». J'ai peur qu'on n'ait jamais de commission d'enquête pour savoir s'il y avait fraude ou pas. Alors, l'université Harvard voudrait faire des enquêtes. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, on saura ce qu'il en était de cet article. Et je reviens à mon histoire des antihypertenseurs dans le New England. Comme c'était la même équipe, le journal a dit « et les antihypertenseurs, d'où ça vient ?» Ça a été aussi rétracté, c'est-à-dire invalidé, les deux articles en même temps. Il est très intéressant de voir que grâce à cette médiatisation de la chloroquine, on a découvert une suspicion, mais s'il n'y avait pas eu la chloroquine, l'article que je vous ai référé des antihypertenseurs du New England n'aurait posé aucun problème et serait aujourd'hui dans la littérature et ne gênerait personne. Le Lancet, effectivement, donc, publie une étude invalidant l'idée que l'hydroxychloroquine pourrait être un remède efficace et le d'emblée, en fait, le professeur Raoult avait lui-même pris position contre l'étude en expliquant qu'elle était fausse, etc. Donc, disons que la façon dont les médias se saisissent de ce type de controverse, c'est décalé par rapport à ce que un chercheur pourrait en tirer comme conclusion. C'est-à-dire que nous, quand on regarde la façon dont le Lancet rétracte un article où Didier Raoult critique l'étude du Lancet, on cherche à se dire, mais donc, si Didier Raoult a raison sur la façon dont il critique le Lancet, ça veut dire qu'il aurait raison par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les deux peuvent avoir tort, en fait. Et les deux peuvent avoir écrit des choses fausses ou alors des choses qui sont insuffisamment validées par rapport à ce qu'on attend comme méthode, comme rigueur d'analyse des données, etc. Et on peut avoir un état où les deux, en fait, à la fois l'étude du Lancet n'est pas suffisamment fondée et Didier Raoult dit des choses qui sont pas fondées non plus. Et c'est pas alors que le temps médiatique et la façon dont fonctionne un travail journalistique, c'est un principe de symétrie. Il y a un problème avec la chasse à la glu, je donne 5 minutes à Alain Bougrain-Dubourg et 5 minutes au président de la Fédération de chasse. Sauf que ce principe de symétrie appliqué à la science, ça ne veut pas dire qu'il y aurait 5 minutes pour celui qui dirait hydroxychloroquine ne pose aucun problème et 5 minutes pour dire que ça pose un problème. Donc il y en a un qui a tort forcément un des deux côtés. Donc la question c'est comment on va arriver et cheminer vers la vérité. Et ça, ce temps-là, il ne peut pas être un temps médiatique. Pour vous dire ce qui s'est passé pendant la crise du Covid et pourquoi ce qui était un phénomène assez connu et tout d'un coup monté en flèche, c'est tout simplement parce qu'il fallait publier très très très très vite les résultats soi-disant trouvés à propos du Covid. Donc on a des équipes qui se sont mis à vouloir publier très vite et donc les articles ont été moins bien connus. Et The Lancet a été assez honnête pour le retirer, mais dans la même époque, il y a eu peut-être 400 articles qui n'auraient jamais dû être publiés. Avoir un papier dans le Lancet, publier vite, exister médiatiquement, ça fait partie maintenant des choses qui comptent dans l'espace scientifique aussi. Si vous êtes vu comme l'équipe qui a sorti ce papier dans le Lancet, vous aurez peut-être des fonds, vous pourrez peut-être avoir d'autres appels d'offres, vous pouvez financer vos travaux, etc. Et il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent à exister médiatiquement parce que les universités aussi commencent à introduire ce type de critères. Les chercheurs que je connais au Royaume-Uni, ils ont une case dans leur bilan de travaux annuel qui est, en gros, l'espace médiatique occupé. Quelles sollicitations vous avez eu des médias, comment on a parlé de l'université dans les médias, sous quelle forme, etc. Ça a des effets sur les carrières de plus en plus. Et donc, on va avoir de plus en plus, je pense, de la mauvaise science ou de la science pas complètement vérifiée qui, parce que elle peut être pertinente dans un temps de débat médiatique et venir percuter un débat, sort très vite de façon plus ou moins pas validée. Et les revues ne sont pas des remparts par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense que les comités de revues, les gens qui travaillent dans les revues passent un temps bénévole incroyable à relire les papiers, à les évaluer, etc. Mais ça peut pas, ça peut n'être qu'un premier filtre, la revue. Après, d'ailleurs, vient l'espace critique, les gens relisent, les spécialistes s'en emparent, pas forcément les deux ou trois référés qui ont relu le papier et qui ont évalué, mais tout le champ et tout le milieu s'en saisit. Les gens vont aller voir les jeux de données. Et ça, c'est un temps de discussion critique qui est là-dessus où se fait le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et c'est ce temps-là n'est pas forcément le temps de la publication. Alors après, il peut y avoir des rétractations, etc. Mais je pense que ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas parce qu'un papier est rétracté qu'une revue est forcément mauvaise, en fait. C'est au contraire, je pense, signe du fait qu'il y a eu un retour du comité de rédaction. Le comité de rédaction a pris connaissance des critiques qui ont été faites, il a préféré retirer le papier. Tout ça, en fait, pour moi, fonctionne plutôt de façon positive. Et par ailleurs, un papier rétracté peut après être resoumis, republié plus tard, amélioré, et ça fait partie du jeu scientifique. La différence, c'est que quand on fait une critique dans l'espace scientifique, la critique, elle vise à améliorer un résultat, avoir un meilleur compte-rendu de la réalité. Quand on fait une critique dans l'espace médiatique, c'est pour tuer la réputation de quelqu'un. Thank you. fascinant, Jacques Van Helden, c'est que effectivement, comme vous regardez à la loupe ce génome dans ses moindres détails, vous pouvez remonter à la source. Et donc, on a entendu toutes ces histoires d'un pangolin qui aurait rencontré une chauve-souris, ou bien d'un vilain virus échappé d'un laboratoire P4 ou P3, selon les hypothèses. Et vous avez travaillé précisément sur cette question et vous venez de publier un article. Oui, tout à fait. Donc, on avait été au départ interpellé par des rumeurs selon lesquelles le génome du coronavirus SARS-CoV-2 contiendrait des morceaux de génome du virus du sida, du HIV. Ça avait fait l'objet de pas mal de polémiques en France, à l'étranger également. Et ce que nous avons fait, en fait, c'est de nous dire, passons au-delà des polémiques, parce que le terrain est un peu miné, parce que dès qu'on annonce quelque chose, dès qu'on proclame quelque chose, on se retrouve assez rapidement amalgamé à différents groupes, parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux même géostratégiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux humains, sociétaux, donc il y a énormément d'enjeux, il y a énormément de gens qui se positionnent, sans forcément connaître très bien le sujet, mais qui prennent des positions très très fortes. Et nous, on s'est dit, nous sommes des scientifiques, et donc, basons-nous sur les données. Et les données, elles sont disponibles, elles sont dans des bases de données qui sont accessibles, qui sont gratuites. Et donc, on est allé chercher dans les bases de données publiques les séquences de génomes viraux, d'humains et d'animaux. Et puis, on a, sur base de ces séquences-là, on a essayé de remonter un pas plus loin dans le temps et d'essayer de tracer la dernière étape avant la transmission à l'humain. En plus, donc, vous parlez des polémiques. C'est vrai que c'est notamment Luc Montagnier qui s'est exprimé publiquement à ce propos et qui, effectivement, a suscité une polémique à cause de sa personnalité et de ses précédents travaux. Oui. Alors, Luc Montagnier, effectivement, quand il s'est exprimé, il a parlé sur deux médias, des médias, il a été interviewé par des journalistes. Et ce que lui a affirmé, c'est qu'on retrouvait... Alors, Luc Montagnier, il faut savoir qu'il est connu parce qu'il a eu le prix Nobel pour la co-découverte. C'est son équipe qui a découvert, caractérisé le virus responsable du sida. Donc, Luc Montagnier est quelqu'un qui, a priori, semble extrêmement compétent pour se prononcer, en tout cas, sur ce virus-là. Par ailleurs, effectivement, ça a été assez polémique parce que Luc Montagnier a fait ces dernières années pas mal de déclarations un peu fracassantes dans les médias. Et donc, c'est un personnage qui a suscité à plusieurs reprises des polémiques, notamment parce qu'il a pris des positions anti-vaccinales, parce qu'il a pris aussi des positions sur l'homéopathie, mais qui n'étaient pas vraiment appuyées par des preuves scientifiques très très fortes. Donc, dans ce cas-ci, il montrait qu'il y avait un petit morceau, il y avait quatre endroits où il y a des petits morceaux de séquences du HIV qui ressemblait à des morceaux de séquences du coronavirus. Et là, en fait, il y a un piège statistique dans lequel il est tombé. C'est que on représente ces génomes avec un alphabet de 4 lettres, et puis on prend un génome qui fait 30 000 paires de bases, un autre génome qui est un peu plus petit, qui fait 20 000 paires de bases, et puis on va chercher toutes les ressemblances possibles entre ces deux choses-là. Alors, il est évident que si vous analysez des très grands textes et vous cherchez des morceaux qui se ressemblent, vous allez trouver des petits morceaux de texte qui se ressemblent, même par le jeu du hasard. Montagnier citait dans son interview deux sources. Et il disait, il y a d'une part un groupe indien qui a publié un article et qui a été forcé de le rétracter parce que ils avaient montré qu'il y avait quatre morceaux de séquence du HIV qui avaient été insérés dans le génome de coronavirus. Et l'autre source était un mathématicien qu'il connaissait, dont il n'a pas dit le nom, mais que j'ai pu identifier ensuite. Et d'ailleurs, en fait, Luc Montagnier vient de publier dans une revue un article où il est co-auteur avec Jean-Claude Pérez. Donc maintenant, les noms sont connus. C'est Luc Montagnier et Jean-Claude Pérez qui viennent de publier un article où ils affirment cela. Et là, l'article qui vient d'être publié par Luc Montagnier et Jean-Claude Pérez est publié dans une revue prédatrice. Donc c'est une revue où aucun scientifique sérieux ne considérera que ce travail a une valeur puisqu'il n'a pas été soumis au référing et qu'il a été publié uniquement parce qu'on payait pour le publier. Il y a dans le monde scientifique, le vecteur de la communication scientifique, de l'expression des idées, c'est les revues académiques. Philippe Ullmann, philosophe et historien des sciences. Il y en a énormément. Généralement, elles sont détenues, et c'est important quand même, par des oligopoles. Il y en a trois, Springer, Wiley et Elsevier. Quatre, Taylor and Francis, qui détiennent chacune des milliers de revues. Hein, c'est des énormes éditeurs. Et puis, celles qui sont publiées par les presses universitaires, Oxford, Chicago. Bon. À côté de ça, depuis qu'existe la publication sur Internet, qui ne coûte absolument rien, se sont développées des revues qu'on appelle prédatrices. Bon, concrètement, c'est quoi? Tous les jours, je reçois, comme n'importe quel chercheur, une dizaine ou une vingtaine d'invitations à écrire, par exemple, dans le journal de crabologie d'Amérique ou dans le Open Journal of Philosophy of Diseases, qui sont des trucs qui sont simplement là pour prendre votre argent, parce que vous payez pour publier. Et évidemment, il y a des gens qui ont très bien compris que vous pouvez monter une boîte, par exemple, de, je sais pas, 1000, 2000 faux journaux comme ça, vous inondez les chercheurs de mails, il y en a certains qui acceptent, qu'ils envoient des articles, hop, vous publiez, et puis vous récupérez l'argent qui est les 500 ou 1000 euros que ça coûtait pour publier. Ça s'appelle des revues prédatrices. Les revues prédatrices publient absolument n'importe quoi. Le plus bel exemple quand même, c'est un chercheur qui en a vraiment eu marre d'avoir tous ces messages tous les jours. Et donc, il a répondu « Get off my fucking mailing list hein, », barrez-vous de ma putain de liste d'email. Et il a, au lieu d'envoyer cette phrase, il a copié-collé cette phrase, je sais pas, 800 ou 1000 fois sous forme d'article. Donc c'est un vrai article. Donc vous avez résumé, puis c'est get me off your fucking mailing list 10 fois. Introduction, puis c'est le même truc 25 fois. Première partie, discussion. Et les mecs ont dit super article, on prend. Ils ont même pas ouvert le fichier. C'est ça qui est beau. Et en fait, donc c'est ça les revues prédatrices. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est donc, comment il s'appelle? Florian Kova, qui est philosophe à Genève, Mathieu Rebaud, qui est biochimiste, et quelques autres, des Suisses, Florian Zores, les autres sont des biologistes suisses, excédés par, en gros, la chloroquine, les prises de position d'Ilir Raoult, tout ça, ont réalisé que l'un des articles en faveur de la chloroquine, qui en plus était co-signé par une députée LREM, était paru dans Asian Journal of Medicine, je sais pas, tous les titres sont interchangeables de toute façon, qui est une revue prédatrice. Or, le simple fait de dire « Ah, regardez, on a montré des résultats en faveur de l'utilité de la chloroquine, mais que c'est publié dans une revue qui pourrait publier ma liste de courses », ça n'a aucune signification scientifique. Donc, pour montrer ça, ils ont ciblé cette revue et ils ont envoyé un article qui est effectivement vraiment très drôle, où bon, il se moque un peu de Raoul quand il avait dit « le coronavirus, ce sera pas plus grave que les accidents de trottinette », donc c'est un article qui parle de l'utilité de la chloroquine pour amoindrir les accidents de trottinette. Et effectivement, tout est à mourir de rire dans le truc. Il y a le chien du président de la République dans les co-auteurs. Enfin, comment la revue pouvait ne pas voir que c'était une blague? Ils n'ont pas vu, ils ont publié. Ils ont même fait une fleur aux auteurs parce qu'ils leur ont dit ce ne sera pas 500 euros de publication, ce sera 50 ou 100. Donc voilà. Il me semble que, si vous voulez, ce n'est pas un argument contre Raoult, évidemment. C'est un argument contre le fait que certains des soutiens du dit Raoult utilisent des revues prédatrices comme argument. Et de manière plus générale, ça montre ceci que beaucoup de gens ne réalisent pas, en fait, qui est que les revues prédatrices font du mal. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand vous parliez de ça aux gens, le nombre de revues prédatrices, c'est des dizaines de milliers. Hein. Mais personne les voit, en fait. C'est un peu du bruit, quoi. Seulement, en fait, non. C'est-à-dire que ça se voit parce que c'est des revues qui, visiblement, ont des effets. Et alors, on est, depuis quelques années, on est quand même beaucoup à dire, mais vous savez, les gens, ils vont se servir de ça, par exemple, pour gonfler leur CV en disant, il y a des gens très sincères, des jeunes qui risquent de recevoir un email et de faire un vrai article et de publier là-dedans, ce qui, inversement, ça n'aura aucune visibilité, ce sera de la recherche perdue et tout. Donc, ça brouille le système. Donc, je pense que c'est salutaire. Après, je pense que le vrai message, c'est vraiment ça. C'est pas la chloroquine et Raoult le problème. Le problème, c'est que les revues prédatrices ont réussi à s'inscrire dans le vrai paysage du débat sinon scientifique, du moins du débat public sur la science. Hervé Maisonneuve, qu'est-ce qu'on appelle le facteur d'impact ? C'est une équation juge de la notoriété d'un journal en fonction du nombre de fois où les articles de cette revue scientifique sont cités par d'autres articles. Donc c'est une équation un peu complexe sur 2 ans, ce qui pose vraiment un problème parce que la recherche est citée sur 5 ou 10 ans quand elle est bonne. Donc c'est un indicateur d'immédiateté très sélectif. Une autre technique consiste à saucissonner sa recherche pour en faire plusieurs publications au lieu d'une seule, ce qui augmente le nombre. Donc dans le jargon, on appelle ça le salami, c'est-à-dire au lieu de faire un seul article d'une grande recherche, on fait 3 ou 5 petits articles, j'ai même vu 20 ou 30, où on modifie une toute petite chose et on le publie ailleurs ou dans d'autres revues. Ça augmente tout de suite votre nombre d'articles à partir de la même recherche. Hervé Maisonneuve, aujourd'hui, la recherche, c'est vraiment une entreprise collective et la plupart de ces articles sont co-signés. Or, l'ordre dans lequel les auteurs sont cités est vraiment crucial. L'ordre des auteurs varie beaucoup selon les disciplines. Quand vous êtes dans les sciences sociales où vous avez 1 à 3 auteurs, la question n'est pas la même que dans la biomédecine où vous avez 20 ou 30 auteurs, voire la physique où vous êtes parfois à 1000 auteurs. Donc ça dépend beaucoup des disciplines et chaque discipline a ses règles. Dans les disciplines que je connais le mieux, biomédicales, il y a des règles non écrites où en théorie, celui qui a travaillé le plus devrait être le premier et ainsi en diminuant par la capacité d'avoir travaillé dans l'article. Mais tout ceci est géré par des relations entre des hommes où les seniors ont plus de poids que les juniors, où on oublie certains auteurs parce qu'on s'est un peu fâché, où on ajoute des auteurs qui n'ont rien fait uniquement pour qu'ils aient une publication de plus. Le problème des auteurs est un problème de dysfonctionnement très fort au niveau de la publication scientifique. Comment est-ce qu'on évite également, par rapport au comité de lecture, les conflits d'intérêts ? La question des conflits d'intérêts est très importante dans les revues scientifiques. Elle est très médiatisée quand il s'agit de conflits d'intérêts financiers. On accuse le professeur Intel de toucher de l'argent, de tel laboratoire, de tel ceci. Et pour le gérer, on lui demande de déclarer s'il a reçu de l'argent d'une institution ou autre. Donc on ne résout pas ce problème de conflit d'intérêts. On lui substitue la transparence. Et c'est au lecteur de se faire son idée si ce lien financier a un impact. Attention, nous nous focalisons trop souvent sur les liens financiers, dont je ne nie pas l'importance, mais les liens non financiers, c'est-à-dire culturels, conflits d'école, ça peut être confessionnel, ça peut être politique, pour des tas de choses, on peut avoir chacun nos opinions, ne les pas déclarer, et elles vont avoir beaucoup d'influence sur l'évaluation, et probablement beaucoup plus dans certains cas que les vrais conflits financiers dont on arrive à avoir la transparence. Raoult, 26 février 2020. Moi, j'attendais avec une extrême impatience qu'il y ait des essais cliniques qui rapportent l'efficacité que l'on préjugeait au laboratoire. Et donc, maintenant, c'est fait. On a tous les éléments. Il y aura peut-être des ajustements sur la dose qu'il faut donner, le temps qu'il faut donner. Et c'est tout un champ nouveau qui s'ouvre, si vous voulez, qui fait que, dès demain, ça deviendra impossible de ne pas donner de la chloroquine à quelqu'un qui sera hospitalisé avec cette maladie. C'est extrêmement bon marché, la pilule coûte 10 centimes, le traitement marche vite et on utilise des médicaments dont on connaît déjà toute la sécurité et donc on a des solutions très rapides parce qu'on n'a pas besoin de passer par des tests ni de toxicité ni d'enregistrement, c'est des médicaments qui sont disponibles à la pharmacie. Jean-Paul Krivine de la revue Science et Pseudosciences. Au point de départ, on pourrait dire sur cette controverse, il y a 2 éléments importants. Premièrement, une molécule qu'il était finalement pas absurde de considérer dans le contexte que j'ai décrit, c'est-à-dire que chercher un traitement pour une maladie émergente comme ça, il est légitime de se focaliser sur des traitements existants qui ont fait leur preuve sur d'autres types de pathologies. L'hydroxychloroquine faisait partie de ça, donc il y avait quelques bonnes raisons de penser que c'était intéressant de regarder l'hydroxychloroquine. On peut ajouter qu'il y avait aussi des bonnes raisons de penser que ça ne serait peut-être pas tellement efficace. L'hydroxychloroquine ayant montré une activité intéressante in vitro, mais jamais in vivo pour des tas d'autres virus. C'est-à-dire, en tube à essai, on arrive à montrer une action sur le virus, mais dès qu'on a voulu expérimenter chez l'animal et chez l'homme, ça n'a jamais marché. Donc, on avait ce contexte contrasté. Le deuxième élément qui a été source de beaucoup de confusion, c'est qu'on a un médecin maintenant très célèbre à Marseille qui est très vite sorti du cadre de la vérification et de la preuve sur le terrain de la science pour se saisir des médias en proclamant ce traitement à base d'hydroxychloroquine comme un traitement, je vais dire entre guillemets miracle, même si lui n'a pas employé ce terme, mais avec la fameuse vidéo où il disait fin de partie pour la Covid, probablement la maladie infectieuse la plus facile à soigner qu'on ait rencontrée. Donc ces deux éléments ont, je dirais, rendu quelque chose une situation très confuse pour le grand public, à savoir quelque chose qu'il était légitime d'examiner au même titre que le reste, et une confusion médiatique qui a complètement pollué la discussion. Dans notre dossier, dans notre science et pseudosciences, je crois que c'était au mois de mars ou d'avril, au tout début de la controverse sur l'hydroxychloroquine, nous avons publié un premier article. On n'a pas été de ceux qui, mais les autorités de santé non plus d'ailleurs, qui auraient dit tout de suite ça ne marche pas, il faut tester. Et d'un autre côté, on a dénoncé déjà le fait que Didier Raoult se soit transposé sur un autre terrain, les YouTube, les réseaux sociaux, l'opinion publique, qui se retrouvait ainsi prise quelque part, on pourrait dire, en otage. C'est-à-dire qu'on, face à des inquiétudes, des angoisses suscitées par tout ce qu'on voyait en boucle à la télévision, on a quelqu'un qui arrive en disant « j'ai un remède extrêmement efficace » et qui s'abstrait de la controverse sur le plan scientifique dans les revues scientifiques et fait appel à l'opinion en disant « pourquoi mon remède serait-il interdit ?» Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dénoncé, qui a été très délétère. Je n'ai pas de bonne solution. Vous savez très bien qu'on peut donner à quelqu'un qui a mal à la tête un antibiotique, et puis comme le mal à la tête, dans 50% des cas, ça s'arrête tout seul, ben on va dire c'est l'antibiotique, alors qu'on n'a pas fait d'essai. Je veux dire, on n'a pas suffisamment de connaissances de ce qu'on appelle l'évolution naturelle de la maladie. On commence à avoir des connaissances de la maladie Covid, et on sait très bien qu'elle guérit spontanément dans la plupart des cas. Et ça, cette donnée, elle existe. Ça s'appelle l'évolution naturelle. Donc, sur un malade qui va guérir spontanément, vous pouvez lui faire écouter une émission de radio et dire que l'émission de radio l'a guéri. Article 8 du Code de déontologie médicale. Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. La question qui était posée au début, c'était pour les décideurs, c'est pas dans l'absolu de savoir si ça marche, parce qu'on ne savait pas au début, c'était faut-il la recommander dans le traitement, dans la situation d'urgence qu'on connaissait. La prudence était de mise, et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette prudence, bien sûr, s'accompagne en médecine, en sciences, d'essais cliniques, c'est-à-dire d'études rigoureuses qui sont menées pour répondre à cette question-là et petit à petit consolider la connaissance du sujet. Aujourd'hui, on peut dire que les arguments se sont accumulés et qu'on va peut-être y revenir après. Aujourd'hui, le consensus scientifique sur le sujet est de dire que l'hydroxychloroquine, avec ou sans antibiotiques associés, n'a pas d'efficacité prouvée contre l'infection au coronavirus. Je ne suis pas une partisane de Raoult. Isabelle Stengers, philosophe. Mais De toute façon, la seule chose qu'on sait, c'est que si une personne atteinte ou en danger d'être atteinte, comment dirais-je, se sent équipée pour s'aider elle-même, c'est comme la prière, hein. Si elle a confiance, eh bien, ses chances de guérison seront meilleures. Ça fait partie du corps aussi. Nous avons des corps pensants et affectés, et s'affectant eux-mêmes, et la réponse à un virus, elle passe par là aussi. On parle de l'effet placebo comme si c'était dérisoire, mais non, c'est très important l'effet placebo. L'effet placebo, c'est donc un effet qu'on associe dans les tests cliniques à ce que certaines personnes, pensant que ce qu'ils prennent est un véritable médicament, s'améliorent ou même guérissent alors qu'ils n'ont pris qu'un pseudo-médicament, sans effet physiologique particulier. On rigole comme si c'était irrationnel, alors que c'est quelque chose que les médecins ne devraient jamais oublier. S'ils désespèrent leurs patients, s'ils leur refusent ce que eux-mêmes pensent nécessaire à leur survie, à condition que ce ne soit pas un poison. Mais la molécule de Raoult est, comment dirais-je, usitée partout. On en a fait quelque chose de monstrueux. On a même voulu défendre aux médecins de la prescrire, parce qu'il pouvait y avoir des risques. C'était la molécule qui tue. Donc il y a eu là une véritable opération, et où vraiment, je crois que peut-être qu'il y avait des intérêts financiers en jeu, parce que c'est pas une molécule qui allait rapporter grand-chose aux compagnies pharmaceutiques, mais il y a eu aussi la médecine comme fondée sur la science, c'est-à-dire ne procédant qu'avec des faits bien établis. Il fallait attendre les faits, c'est-à-dire le résultat des tests cliniques. Raoult a dit « je suis un médecin ». Et du point de vue épistémologique, là, je suis d'accord avec lui. Donc, je suis un médecin. Il me semble que c'est efficace, que ça aide, que les résultats sont bons. Ce serait un crime déontologique que d'en priver mes patients. Et ça, c'est comme si la science devait être défendue. Et la science, en l'occurrence, ce sont ces tests purement statistiques qui ne prouvent rien, qui permettent d'associer à une molécule une efficacité thérapeutique propre, en la séparant de l'effet placebo. C'est de la pauvre science, parce qu'on ne comprend rien, mais on fait comme si c'était l'équivalent de faits sortis des laboratoires scientifiques, alors que c'est des faits sortis d'une machine à faire la statistique. Ça ne donne aucune intelligibilité, et en plus, ça réduit à rien, ce qui dans la médecine est un art, c'est-à-dire la relation thérapeutique. Mais tout ça, c'est quelque chose d'assez émerveillant, parce que c'est le corps qui guérit, c'est pas... Mais ça a le gros défaut de permettre à des charlatans d'opérer. Et la médecine, au fond, sa scientificité, c'est « nous ne sommes pas des charlatans ». Article 13 du Code de déontologie médicale. Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. D'un côté, Didier Raoult, qui est encore une fois un scientifique extrêmement connu et reconnu, c'est celui, d'ailleurs, c'est facile, il le dit lui-même, qui publie le plus, enfin qui signe le plus d'articles, et il a co-réalisé des découvertes effectivement sur les virus géants marins qui sont des découvertes importantes. Il est venu chercher l'immédiat et inversement, les médias étaient très contents d'avoir quelqu'un d'aussi... Il est extraordinaire, Raoult, à regarder, c'est sûr. Enfin, je dirais, à regarder, il y a des gens qui se sont fait tatouer Raoult, c'est fascinant. Comme tout ce qui se passe pendant à mon sens, hein, pendant cette période d'épidémie de coronavirus, c'est pas nouveau, mais ça a grossi, ça a grandi, ça a comme avec une loupe des choses qui étaient déjà là. L'intuition versus... le laboratoire, la froideur des études statistiques ou expérimentales, c'est constitutif de la médecine ou en tout cas du discours de la médecine. C'est-à-dire, il y a toujours eu des médecins qui disent non, mais le sens clinique, c'est ça la médecine, et le sens clinique, ça se quantifie pas, ça se modélise pas, c'est pas des lois générales, etc. C'est pas absurde du tout. Et de l'autre côté, il y a toujours eu des gens pour dire non, mais bon, enfin, fondamentalement, la médecine, c'est une science. Qui dit science dit maintenant on a des moyens statistiques expérimentaux de faire des choses. Tant que vous n'avez pas d'essais cliniques randomisés qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle evidence-based medicine en anglais, en français, ça donne médecine basée sur les preuves. Enfin, c'est tant qu'on n'a pas ça, c'est pas encore de la vraie médecine. Bon. Et donc, ce qu'on voit avec Raoult, c'est exactement ça. Avec une autre chose qui est la dimension de l'urgence. En gros, l'argument de Raoult et des partisans de la chloroquine, c'était dans l'urgence, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que la science a le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, je cherche le boson de Higgs, il n'y a pas de raison que je me presse. Peut-être que je le trouverai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 000 ans. Il n'y a aucune raison de ne pas faire toutes les démarches rigoureuses nécessaires pour arriver à un degré de vérité, de véracité, de validité, de corroborabilité de vos énoncés. Ce qui se passe dans le cas médical, c'est un peu quelque chose qui se passe dans le cas des procès. C'est-à-dire dans les procès, on a aussi une quête de la vérité. On veut savoir, par exemple, pour caricaturer un peu, si quelqu'un a tué ou pas quelqu'un d'autre. Bon. Seulement, c'est pas comme le boson de Higgs. On n'a pas toute la vie pour décider. C'est-à-dire, on n'a pas, par exemple, s'il existe un témoin qui peut-être a vu quelque chose, mais qui vit au fin fond de la Patagonie, on n'a pas le temps d'aller le chercher, en fait. Donc, on laisse tomber. Dans la science, si. Enfin, si vous faites de la science, ça fait partie d'une possible preuve, donc il faut aller. Donc, si vous voulez, c'est ce qui se passe avec le coronavirus, c'est cette double obligation, un, d'être scientifique, et en même temps, deux, vous êtes dans l'urgence, donc à un moment, il faut décider, et peut-être que ces méthodes de la science, vous n'avez pas le temps de les appliquer. Alors, bon, dans le cas de la chloroquine, c'est un petit peu plus simple en un sens, parce que vous avez un axiome en médecine qui est primum non nocere, comme vous dites en latin, c'est-à-dire, d'abord, il faut être sûr de ne pas faire du mal à votre patient. Donc, vous ne pouvez pas, même dans l'urgence, donner un médicament à un patient si vous n'êtes pas, si vous voulez, raisonnablement convaincu que ça ne va pas lui faire de mal. Donc, cet affrontement, comme vous dites, entre intuition et Big Pharma, c'est-à-dire les entreprises capitalistes qui tirent du profit de la maladie des gens, hein, et dont on est vite enclin à penser que non seulement ils veulent vendre des médicaments, mais même rendre les gens malades, puisque comme ça, ils vendront plus de médicaments. Hein, c'est ça le discours, entre guillemets, complotiste sur Big Pharma. Cet affrontement, si vous voulez, il est constitutif de la médecine, il est là, mais là, il a pris des proportions complètement inégalées, et il est allé dans le grand public. Article 14 du Code de déontologie médicale. Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. Les politiques, gèrent à la fois une situation politique, mais gèrent aussi une situation sociale, une réélection plus tard, donc sont très sensibles à des arguments médiatiques. La popularité d'un Didier Raoult pèse énormément dans le débat politique et donc dans les décisions qu'un certain nombre de politiques peuvent faire. Prendre une décision sur l'hydroxychloroquine, c'est s'attirer soit les foudres, soit le soutien d'une partie de la population, et c'est pas simple. suite, mais c'est évident que l'hydroxychloroquine est devenue bien autre chose depuis le début qu'un débat scientifique. C'est devenu un marqueur politique où, pour une bonne partie de l'opinion, comme on était incapable l'opinion de se faire une opinion sur le fond sur l'hydroxychloroquine, on se faisait plutôt une opinion sur les gens qui supportaient tel ou tel camp, et que donc ça devenait un marqueur de, je dirais, d'une attitude anti-système ou pas anti-système. Donc oui, la situation politique est complexe au regard de la médiatisation qui a été autour de l'hydroxychloroquine comme sur plein d'autres sujets. Les scientifiques passent leur temps à ne pas être d'accord entre eux, mais pour le grand public, c'est un peu une découverte à l'occasion de cette pandémie. Alors écoutez, je vous conseille de regarder Bruno Canard, chercheur CNRS. Des débats historiques qu'il y a eu dans les excellents livres de François Jacob, à l'époque Jacob, Monod, et la grande époque pasteurienne dans les années 60. Voilà, les débats, il le dit, hein, ils étaient enflammés, les gens font un exposé, avec, ils présentent le résultat sur lequel ils ont sué sang et eau. Et en fait, il y a des questions très virulentes et des débats, des contradictions, presque des engueulades, on dira. Ça a toujours été comme ça et c'est assez sain, il faut simplement que ça dérape pas. Alors malheureusement, on a le fléau des réseaux sociaux qui nous est tombé dessus, donc ça dérape très rapidement. Mais le débat scientifique contradictoire est absolument nécessaire. Et donc, il faut absolument qu'on soit mis à l'épreuve de la publication, du débat contradictoire, et qu'il y ait des conflits ou des débats, c'est plutôt bon signe. Alors après, quand ça dérape dans le n'importe quoi, effectivement, c'est pas très constructif. Et ces dérapages arrivent dans les périodes de tension, en général, comme on le voit dans la crise actuelle. Et après, les idées qui sont conflictuelles, à mesure que les résultats s'accumulent, elles sont globalement, petit à petit, acceptées quand il y a suffisamment de publications et de gens qui sont convaincus. C'est la marche normale de la science. Take one step outside yourself. The whole path lasts no longer than one step. C'était Publish or Perish par Lydia Benitzrak, avec Sylvain Laurent, Jacques Van Elden, Hervé Maisonneuve, Michel Bergada, Philippe Huneman, Jean-Paul Krivine, Isabelle Stengers et Bruno Canard. Documentation: Caroline Chausset, Nathalie Rouvillan, Christine Anzano, Béatrice James. Lecture: Élise Caron. Extrait du film Contagion de Steven Soderbergh. Prise de son: Martin Troadec, Sandrine Malon, Benjamin Thuot, Thomas Robin, Arthur Dumont et Pierre Monteil. Réalisation: Assia Khalid. Mixage: Olivier Dupré. Des aliénés pour des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades